jamais vous ne m'approcherez, vous les filles que j'ai tant aimées. Plus jamais je ne te trouverai belle, si ton cerveau n'est que partiel. Toute la nuit tu me roules des pelles, tu me fais l'amour illusionnel. Tu te fais jouir et me laisses tout seul, et me claques la porte en pleine gueule. Plus jamais tu ne me feras saigner. Car ce soir je m'en vais. Si tu préfères un quelconque connard, un homme qui pourrait t'aimer, si tu refuses Tony Fomblard pour t'offrir à Maëlle Barbier, alors ton destin sera pâle, puisque tu ne veux pas être ma reine. Tu ne seras qu'une déchirure anale au grand royaume des inhumaines. Un môme collé à son portable dans le seul but d'obtenir tes fesses te fait plus d'effet que mes fables, mais ne te fait jouir par SMS. Je suis un triste hypersensible qui a souvent trop cru aux femmes, à qui il ne reste que la Bible sur cette planète de nymphomanes. Sublime que j'aimais tant, à qui j'ai plu un soir de pluie, n'est pas la mère de mes enfants, mais une pute qui détruit ma vie. Tu me reproches d'être misanthrope, mais ce mot-là rime avec salope. Mon pauvre cœur est démoli, les happy end, une escroquerie. Tu le sais très bien qu'aucun homme ne donnera le quart de mon affection, et qu'à force d'aimer que des mômes, tu crèveras de dépression. Comme moi qui ai choisi les femmes pour les chérir et les aimer, leurs yeux, leurs sourires et leurs charmes, aujourd'hui elles me font gerber. Plus jamais, car ce soir je